Chapitre 2. Ulm est une jungle impénétrable, peuplée de monstres sauvages et d'êtres mystérieux. Un endroit idéal pour un pique-nique. Merwin rit la Valonne. Il ne leur fallut que 3 jours pour gagner les rives du Polymage. Les chevaux étaient reposés et la monture supplémentaire qu'ils avaient emmenée permettait aux deux plus lourds d'entre eux, Bjorn et Magnell, d'en changer régulièrement. Artis Valpier chevauchait le gris aux côtés de Chiam qui avait gardé le robuste cheval brun de Hans. À la grande déception de Camille, ils ne revirent pas l'arche, Edwin ayant finalement décidé d'embarquer plus au nord. Ils atteignirent le port fluvial de Morillan en fin d'après-midi. Quelques massifs navires à aubes étaient amarrés le long des quais, près des fins voiliers que Camille avait remarqués en arrivant à Kazan. « Qu'est-ce qui actionne les roues ?» s'étonna-t-elle. « Je n'ai vu aucune machine depuis que nous sommes arrivés. » Maître Douaume la regarda en souriant. « Tu ne devines pas ?» Camille réfléchit quelques secondes. « Des dessinateurs ?» proposa-t-elle. « Gagné, un par bateau. Il dessine le mouvement des roues et permet ainsi de remonter le courant. Évidemment, dans l'autre sens, c'est un peu plus facile. Ce doit être épuisant. Je pense, oui. Les navigateurs forment une guilde très fermée. Ces hommes ont peu de pouvoir ou de créativité. Ils possèdent, en revanche, une volonté très développée. Ils se sont spécialisés et réussissent à maintenir un dessin dans la réalité au-delà de ce que tu serais capable de faire. Bien que les mauvaises langues prétendent qu'ils ne sont pas capables d'allumer seuls une flamme. Grâce à la guilde, ils exercent un bon métier qui leur permet de vivre mieux que bien d'autres dessinateurs. Ils s'étaient approchés d'un navire blanc amarré avec de solides cordages. De longs espars le tenaient éloigné du bord, protégeant une immense roue de métal et de bois parfaitement assemblée. Un homme, vêtu d'un sari jaune sur lequel était imprimée une roue bleue, descendit la passerelle et avança vers eux. Il les regarda un instant, puis adressa la parole à Maître Douaume. Vous devez être Yakmaldo. Je suis Iliam Polym, maître navigateur de la Perle de Chen. Le vieil analyste serra la main que lui tendait son interlocuteur. Il avait été convenu, pour plus de sûreté, qu'il voyagerait sous de fausses identités. Le passage avait été retenu au nom d'un soi-disant expert en construction aquatique qui ne se déplaçait qu'avec suite, garde et serviteurs. Quand pensez-vous que nous pourrons partir ? S'enquit Douaume Nilerg. Dès que nous aurons chargé votre attelage, affirma Iliam Polym. Il poussa un long sifflement et des hommes, sur le bateau, ôtèrent une partie du bastingage. Ils avancèrent un solide pont de bois jusqu'à lui faire toucher le quai et avec adresse, Salim y engagea l'attelage. Une fois sur le navire, il emprunta une rampe qui descendait dans les soutes. Bjorn et Magnen l'aidaient à attacher le chariot pendant que les autres entravaient les chevaux. Lorsqu'ils remontèrent, le navire avait quitté le quai. Ses deux énormes roues à aubes s'étaient mises en mouvement, entraînant majestueusement le bateau vers le nord à contre-courant. Camille essaya de discerner le dessin du navigateur, mais elle n'y parvint pas. Trop technique, l'avisa Maître Douaume. Je n'ai jamais vraiment compris comment ces hommes s'y prenaient. Peut-être est-ce aussi différent de notre art que les rêves d'Artis. Quoi qu'il en soit, les navigateurs ne sont pas gênés par le Verutzlich. Ils étaient les seuls passagers et l'équipage ne se composait que d'une dizaine d'hommes chargés de l'entretien, de la cuisine et des éventuelles réparations. Ils avaient donc tout l'espace qu'ils souhaitaient. Camille et Salim entreprirent de visiter le navire de fond en comble. Les cales immenses étaient vides, à l'exception de leurs chariots et des chevaux. Les quartiers des marins étaient déserts. La cambuse retint un moment leur attention. Le cuisinier, un homme jovial et bavard, leur offrit une bonne part du gâteau qu'il avait préparé pour le repas du soir, puis ils retrouvèrent leurs compagnons en train de prendre possession de leur cabine. « Tu t'installes avec moi, petite sœur ?» demanda Elana. « Ça ne te fait rien qu'on soit 3 ?» questionna Camille en sortant le chuchoteur de sa poche. « S'il ne ronfle pas et ne me grignote pas les orteils, je n'y vois pas d'inconvénient. » La progression en bateau était un peu moins rapide que par la route, mais Iliam Polym entraînait les grandes roues presque 18 heures par jour. Au final, la différence de distance parcourue n'était pas flagrante. « Il ne dort jamais ?» s'étonna Salim. « Peut-être il travaillait en dormant, » proposa Chiam vite. « Avec les humains, il va falloir s'attendre à tout. » Le maître navigateur était rarement visible. Il avait besoin de calme et d'isolement pour dessiner, avait-il expliqué lors de l'embarquement. Edwin reprit l'entraînement de Bjorn et Maniel, tandis qu'Ilana et Chiam s'occupaient de Salim. Artis, Valpierre et Douom Nilergue passaient beaucoup de temps à bavarder et Camille se retrouvait des heures, seule, accoudée au bastingage, à rêver. Elle tentait d'imaginer le mystérieux gardien qu'il devrait affronter. Maître Douom, prétextant que ses recherches n'étaient pas achevées, refusait d'en parler. Mais Camille se demandait s'il n'essayait pas de les épargner. Perdue dans ses pensées, elle faillit ne pas voir l'énorme masse d'un gris luisant qui filait sous l'eau à quelques mètres du bateau. Elle tourna les yeux juste avant qu'elle ne disparaisse et poussa un cri. Un marin, qui se tenait non loin, l'interpella. « Tu as vu ? Une dame ! Une dame ? Mais c'était énorme, on aurait dit une baleine ! Quelle perspicacité ! » se moqua le marin. « C'était bien une baleine grise, mais nous, on les appelle les dames. » C'est impossible, pas dans un fleuve. Ces jeunes des villes, tous les mêmes, s'exclama l'homme. Vous croyez tout savoir parce que vous allez à l'école, pourtant vous n'y connaissez rien. Les dames vont où elles veulent, eau douce, eau salée, quelle importance pour elles. Ce sont des déesses. Celle que tu as perçue est très jeune. Adulte, une dame est 2 à 3 fois plus grosse que ce bateau, peut-être davantage. Pourquoi ne remontrait-elle pas le polymage si elle en a envie? Camille, éberlué, ne sut que répondre, et le marin s'éloigna en secouant la tête. Elle passa les jours qui suivirent à guetter l'étendue du fleuve, dans l'espoir d'apercevoir la masse fuselée d'un cétacé. La vision de la dame avait éveillé en elle un sentiment étrange, mélange d'émerveillement et de frustration. Elle désirait de toute son âme une nouvelle rencontre et jugeait impossible qu'elle n'ait pas lieu. La surface du polymage resta toutefois désespérément vide.